Oh my god, c'est mercredi, il est 20h, mais c'est l'heure du Before Two de Charlie, l'émission 100% culture, érotique, pornographique, sexualité. Allons-y, c'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Before Two de Charlie. C'est donc mon émission culturelle. On va parler de quoi? Qu'est-ce qui se passe pendant cette émission? Le principe, le but, mon envie, c'est de pouvoir échanger et partager autour de la sexualité, autour de la culture et autour de la culture porn, culture sexo, etc., etc. Donc, du coup, à chaque fois, moi, je vous déniche des petits thèmes, des petits sujets de discussion. Je vais commencer, aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses différentes. On va parler de un petit peu d'écologie, ça me tient à cœur, mais parce que l'écologie a aussi un impact sur notre sexualité et sur notre fertilité notamment. Je vous en dis un petit peu plus tout à l'heure. On va parler aussi d'un petit phénomène de société, c'est la c'est hyper galère à dire, la bimbofication, c'est ça, bimbofication, le fait de se bimbofication, le fait de se transformer en bimbo, pourquoi, comment, et c'est pas si simple. Et on va aussi, dernière petite actu culturelle, c'est un petit article rigolo, c'est un petit point sur les questions préférées des internautes sur Google concernant le pénis, et oui, on en est là, à encore vouloir tout savoir sur le zizi. Il faut savoir que pendant l'émission, je porte deux sextoys connectés, le Domi, que vous connaissez, qui va se retrouver calé entre mes cuisses, et le Lush, qui est donc inséré à l'intérieur de moi. Donc, si vous voulez me faire dérailler et faire dérailler l'émission, à n'importe quel moment, vous pouvez typer, ce qui va produire des réactions non prévues à l'avance. On verra bien ce que ça va donner. Évidemment, c'est une émission interactive, donc je compte sur vous pour participer, donner votre avis sur les sujets évoqués, etc., etc. Et en fin d'émission, on va se faire un petit test sextoy live avec, en show de groupe, on ira se faire la partie pratique et ici, en public, je vous présenterai le sextoy. Et du coup, cette semaine, je vous parle, je vous présente, j'essaye une chaîne anale, c'est le sextoy Deep Secret. C'est un sextoy signé Dorcel qui est disponible sur le Dorcel Store, évidemment. Alors du coup, commençons à parler de sexualité et d'écologie. D'écologie, merci Mélissi. Moi je suis assez, assez insistante sur l'écologie. Pour ceux qui suivent mes tests sextoy, dans tous mes tests sextoy depuis un petit bout de temps maintenant, tous les emballages avec plein de plastique de partout se prennent un moins un sur la note finale, parce que clairement on va dans le mur. Je crois que là on peut pas dire ou bientôt on va avoir des problèmes, c'est qu'on est carrément dedans en fait. Et du coup on peut se dire ouais mais tu comprends, c'est trop la faute des politiques ou des industriels, moi franchement à ma mesure je peux rien faire. Mais en fait si, on peut agir par nos choix de consommation. Alors le problème c'est que par exemple sur les sextoys, des fois on n'a pas trop le choix quand il y a beaucoup encore de plastique. Il y a heureusement quelques marques où au moins au niveau de l'emballage, le sextoy déjà est en latex, etc. Mais au niveau de l'emballage, on a pas de plastique du tout. Je pense à Fun Factory, il y avait un sextoy qui s'appelle le Dopio, donc il y en a quand même. Après, je me dis qu'à force de se prendre des moins un et à force que les gens disent au constructeur « c'est de la merde ton truc », ça peut agir. C'est comme les industriels, on dira ce qu'on veut, leur but premier, c'est se faire de la thune. Donc, si on arrête d'acheter les trucs qu'ils vendent, et du coup, ils vont changer ce qu'ils vendent, puisque leur but restera de faire de la thune. Ça sera pas pour faire du bien à la planète, à quoi, à qu'est-ce. Ils s'en battent les couilles, on est d'accord. Par contre, comme ils veulent faire de la thune, et que au final, la thune qu'ils ont, les énormes montagnes d'argent qu'ils ont, C'est nous, petits couillons de consommateurs, avec nos 10, 20, 50 balles qu'on met par-ci par-là, qui remplissons leur besace en fait. Donc, réfléchissons à comment on dépense notre argent. Et vous avez certainement dû entendre parler des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, le principe, c'est que en fait, ça vient perturber notre sécrétion d'hormones. Ce qui a des conséquences un petit peu désastreuses. Ça fait un petit bout de temps, qu'il y a quand même un paquet de scientifiques qui nous le disent. À la fois sur le développement des enfants, on a perdu, je sais plus, j'ai pas les chiffres exacts, mais en 10 ans, on a perdu au niveau des points de QI mondiaux, on a perdu genre 10 points mondiaux de QI, c'est énorme quoi. Et il y a aussi des petits soucis sur la fertilité. Et bien justement, hein, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance, de savoir que peut-être que de faire un petit peu gaffe à ce qu'on achète, ça peut être pas mal. Il y a un petit article sur Slate qui rapporte une vaste étude qui a été réalisée sur plus de 40 000 hommes qui résidaient en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et en fait, en moins de 50 ans, le taux de spermatozoïdes par millilitre de sperme a baissé de 50%. Et depuis 1973, le nombre de spermatozoïdes global a aussi baissé de 60%. Donc, grosso modo, on produit moins de sperme et on produit du sperme de moins bonne qualité. Donc, quand on te dit... Alors, les perturbateurs endocriniens, rassurez-vous, il y en a partout, absolument partout. Il y en a dans ce qu'on mange, il y en a dans nos vêtements, dans nos meubles, dans la peinture, dans le parquet, dans nos voitures, dans nos produits de beauté, dans nos sextoys. En soi, un perturbateur endocrinien à petite dose, ça pourrait aller. Ils sont tous à petite dose, hein. Le problème, c'est que comme il y en a partout, au final, ça fait une grosse dose. Avec en plus un petit effet sympa, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est-à-dire que un perturbateur plus un autre perturbateur ont un petit effet... C'est le double effet qui se coule et on balbutie encore là-dessus, on galère. Alors, il y avait une volonté d'interdiction des perturbateurs endocriniens et de régulation, de législation par rapport aux perturbateurs endocriniens qui devait se voter au niveau européen. Ils ont pas réussi à se décider, quoi. Alors qu'il y a quand même plein de scientifiques qui disent « Les gars, ça craint, quoi. Mais tu comprends ?» Et du coup, c'est à nous, je pense, de faire gaffe à ce qu'on consomme. Donc, par exemple, quand on vous dit « manger bio, c'est quand même peut-être plus sympa, quoi ». Alors, il y a encore des gens qui vont te dire « ouais, mais le bio, ça existe pas, quoi ». Ok, le bio, 100% bio, ça existe pas, dans la mesure où si autour, etc., les nappes phréatiques sont polluées, certes. Mais enfin, la mort au rat, tu préfères en avoir une louche ou une toute petite cuillère ? Perso, je préfère la petite cuillère. Ça reste de la mort au rat, mais du coup, hein, je vais m'empoisonner sur du... Voilà, à moins qu'on veuille en finir plus vite, mais auquel cas, autant prendre une corde, quoi. Et puis, tu sais que dans la piscine de merde qu'on a créée au niveau mondial, on n'est pas obligé d'en rajouter à chaque fois. Au fur et à mesure qu'on en enlève, on va peut-être réussir à nettoyer un petit peu. Parce que du coup, il y a quand même des questions qui se posent, à savoir, est-ce que ce taux de spermatozoïdes peut descendre jusqu'à zéro ? Et les spécialistes ne peuvent pas se projeter, mais ça reste une possibilité. Voilà. Donc, on ne sait pas. Quand on arrive à un taux de spermatozoïdes à zéro, eh bien, on arrive à... On fait plus des bébés. Voilà. Hein, y a un petit film sympa que je vous conseille qui s'appelle Les Fils de l'Homme, avec le magnifique Clive Owen. C'est un peu la merde hein, quand y a plus de procréation possible. Alors, parallèlement, en même temps que la quantité et la qualité de sperme diminuent, on augmente la qualité de l'accompagnement à la procréation, à coup d'hormones, etc. Ce qui d'ailleurs, c'est un cercle vertueux, hein, ou plutôt vicieux, ce qui d'ailleurs fait que, et du coup, ça améliore pas la qualité du sperme de se bouffer plein d'hormones, etc. Et en plus, la blague, c'est que les perturbateurs endocriniens qu'on bouffe, il y a un petit côté héréditaire. C'est-à-dire que toute ta vie, t'as gobé du perturbateur endocrinien à travers ce que tu manges, ce que tu portes, tout. Du coup, ta qualité de sperme et ta quantité de sperme diminuent. Mais ce qui est sympa, c'est que tes enfants, eux, à la base, auront une qualité moindre de spermatozoïdes, et en fonction de ce qu'ils vont manger, ça va encore diminuer. C'est comme ça qu'on pourrait peut-être un jour arriver à zéro. Alors, alternative, qui vient du Japon, en 2016, il y a des chercheurs et des chercheuses qui ont réussi à mettre au point une technique qui s'appelle la gamétogénèse in vitro. C'est quoi le principe ? Tu transformes une cellule souche embryonnaire de souris en spermatozoïde, et du coup, tu arrives à féconder une souris de femelle avec. Ce qui est très drôle, c'est que la cellule souche, à la base, que tu transformes en spermatozoïde, c'est une femelle. Voilà, on va arriver au stade où on n'aura vraiment plus besoin des hommes. Ça craint. Moi, je dis, ça va être triste. Donc, voilà, les problèmes écologiques et l'écologie, ça a aussi un impact au niveau de notre sexualité. Et puis, ça joue sur la qualité du sperme, la quantité de sperme. Et puis, quand on vient toucher aux hormones, il faut savoir que les hormones, c'est aussi ce qui va réguler l'envie de libido. Voilà. C'est aussi ce qui va réguler est-ce qu'on va bander ou pas. Donc, voilà, posez-vous quelques questions. Les phtalates, très bon perturbateur endocrinien, on va en retrouver où ? On va en retrouver dans pas mal de sextoys, c'est pour ça que je préconise, choisissez un sextoy sans phtalates. En fait, le phtalate, c'est un produit chimique qui permet de rendre le plastique qui est dur à la base en quelque chose de mou et de souple. Donc, les bouteilles d'eau, oui, parce qu'il faut pas boire, l'eau du robinet, elle est polluée, donc on va boire des bouteilles d'eau qui restent stockées au soleil pendant des heures et des heures. Ça fait que ça libère plein de phtalates dans l'eau qu'on boit. C'est merveilleux, quoi. Donc, voilà, faites attention à ce que vous mangez. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Mais je trouvais que l'info était intéressante. Voilà. Allez. Qu'est-ce que vous diriez ? On va changer un petit peu de sujet. On se passe une petite musique. On va se mettre dans l'ambiance du prochain sujet culture. Attention, on est dans la culture porn quelque part. C'est quoi le... Je mets un morceau, je suis en train de le chercher. Voilà. Je l'ai trouvé. Vous allez avoir une idée de ce dont on va parler. Le bisphénol, tout à fait. Je mets de la musique tout bas et c'est le moment où on peut débattre tous ensemble. Attention, Barbie Girl, Aqua Girl. A Barbie Girl de Aqua. Alors, Crisis, tu me dis du coup, plus besoin de prendre la pilule. Oui, c'est certain, c'est sûr. On n'est pas encore à ce stade-là. Hein. Du coup, avant d'arriver au stade de plus avoir besoin de prendre la pilule, avant on sera arrivé au stade, on n'aura fait que des enfants débiles. Parce que ça joue vachement, tous ces perturbateurs endocriniens, sur le développement cognitif, etc. Alors oui, c'est bien là partout, des perturbateurs endocriniens, c'est une catastrophe. Donc, voilà. Je pense que c'est à chacun, si on attend que l'amélioration vienne d'en haut, on est mal barré. Donc à chacun de se prendre un petit peu en main et de se renseigner sur ce qu'il mange, sur ce qu'il boit, sur ce qu'il porte, etc., etc. Les produits pour le corps, les produits de beauté et tout, c'est un bonheur, quoi, les shampoings, etc. Donc, voilà. Le mercredi, à 20h, rejoins Charlie pour le Before Two, l'émission sur la culture érotique, en direct live sur Camfort, Insta Live et tous les liens sur son site charlie-liveshow.com. Voilà, vous avez compris, on va pas parler des Barbies, mais on va parler des Bimbo. Alors, qu'est-ce que la Bimbo et pourquoi je vous parle des Bimbo? Parce que j'ai trouvé un article très intéressant sur un blog que j'aime beaucoup. Vous avez plein d'infos. Si vous cherchez des infos autour de la culture cul, porn, mais pas que, de la sexualité, etc., je vous conseille ce blog. C'est un blog qui s'appelle les 400Q, sex.blogs.libération.fr. C'est tenu par une nana qui est journaliste, qui est aussi anthropologue, et elle a un point de vue très intéressant sur plein des trucs, quoi. Donc là, en fait, elle a écrit un petit article pour parler. Il y a un écrivain photographe qui s'appelle Guillaume de Sardes qui a fait un petit court-métrage qui était présenté ou qui est présenté au festival On-Off de La Havane. Et c'est un court-métrage qui normalement n'est visible que pendant des projections en galerie d'art ou en festival. Là, il est visible pendant 3 mois sur le blog d'Agnès Jarre. Je vais vous mettre le lien si vous avez envie de le voir. Hop, voilà le lien. Alors, les bimbos, ben justement, il a fait un truc. En fait, il est tombé sur... Il y a un site qui s'appelle Quora, qui est un site où les gens posent des questions et il y a des experts qui répondent. C'est un site en anglais. Et en fait, il est tombé sur un phénomène qui s'appelle la bimbofication ou comment se transformer en bimbo. Alors, les bimbos, c'est un truc sans cerveau. Quelle image on a de la bimbo? C'est vrai qu'on a l'image de la bimbo, de la nana, bah, très sexuée. En fait, la bimbo, c'est juste une nana qui décide de se transformer volontairement en objet sexuel. Et en fait, il a fait sur son petit court-métrage, il a pris, c'est une copine à lui, je crois, qui est pas spécialement bimbo, mais qui s'est habillée vraiment, qui s'est habillée en petite robe, avec les couettes, la sucette, tout est dans l'attitude. Et en même temps, en voix off, alors c'est en anglais, donc du coup, heureusement, je vais vous traduire, je vais vous lire un petit peu, on retrouve ça, et puis voilà. Je vais vous lire un petit peu, la voix off est très neutre, et voilà ce qu'elle raconte un peu. Être une bimbo exige un gros travail sur l'attitude, les compétences et l'apparence. La plupart des bimbos ont subi des implants mammaires, des piercings, langues, tétons, chattes, et se sont fait gonfler les lèvres, qui ressemblent d'ailleurs à des vulves. Elles prennent soin de leur apparence et passent énormément de temps à leur toilette. Au lit, les bimbos ont appris et se sont entraînées. Elles se sont efforcées d'exceller dans les pratiques préférées de leur homme. Ce sont des expertes en fellation et elles savent faire des gorges profondes. Les bimbos ont par ailleurs des anus extrêmement accueillants et souples qui sont comme des secondes chattes. Et ça continue. Et en fait, tout ça, c'est un texte qui, il a fait vraiment un copier-coller d'un Tumblr américain consacré à la bimbofication. Alors, c'est vraiment du taf de devenir une bimbo. Alors, qu'est-ce qui peut pousser sur le site de Quora? Attention, qu'est-ce qui peut pousser une femme à devenir une bimbo? Une bimbo est une femme extraordinairement attirante sexuellement et qui donne l'apparence d'être bête. Pourquoi une femme va-t-elle prétendre être bête? 1. Pour être sous-estimée. 2. Pour valider ce préjugé chez les hommes. 3. Pour flatter les hommes. 4. Pour que les hommes fragiles ne se sentent pas menacés. Et tout ça pourquoi? Eh ben parce que ça se paye, en fait, d'être une bimbo. Je vous lis un dernier extrait de la petite vidéo. Toujours un copier-coller sur la bimbofication. Les bimbos se photographient dans des postures sexuelles pour leur homme, si cela lui plaît, parce que la dignité des bimbos est moins importante que la satisfaction de leur homme. Même la voix des bimbos et leurs attitudes conversationnelles sont modulées pour paraître soumises et drôles. Les bimbos peuvent être intelligentes, mais pas intellectuelles. Une bonne bimbo, avec ses très gros seins, ses ongles parfaits, ses tenues à la mode, talons hauts inclus, et les compétences sexuelles qui vont avec, fait la fierté de son homme et a la valeur d'un symbole de réussite sociale pour lui. Dès que les gens la voient, ils comprennent que cet homme a suffisamment de charme pour qu'une femme se soit transformée en bimbo afin de lui procurer de meilleurs orgasmes. Cela demande une forme de sacrifice de la part de la bimbo. Mais la bimbo fait ce... choix et, si possible, obtient un excellent niveau de vie en échange. Donc là, par exemple, c'est comme une belle bagnole, exactement. Par exemple, Jean Machin, tu dis une balle dans la tête et l'affaire est réglée. Mais c'est-à-dire que pourquoi les nanas, il y a des nanas qui font le choix de se transformer en bimbo? Ben parce qu'en fait, il y a une grosse demande de la part des hommes aussi. Et qu'en général, soyons honnêtes, sur la plupart des mecs, tu lui présentes une bimbo. Donc, mais il suffit de voir sur des sites de cam, les nanas qui marchent le mieux en cam, c'est quand même un petit peu des bimbos. On a en tout cas pas mal des marqueurs bimbos, à savoir des gros seins naturels ou siliconés, mais parfois siliconés, c'est vraiment de la pastèque, mais c'est pas grave, c'est des gros seins. Un petit cul, le top si elle pratique la sodomie, c'est parfait, et la gorge profonde, c'est génial. Les ongles longs et faits, maquillés, maquillés parfaitement, avec une attitude purement sexuelle. On pourrait se dire, ouais, mais on est sur un site de cam, c'est normal. Mais on sait bien que la cam, il y a un rapport à la fois masturbatoire et un rapport aussi intime. Il y a un rapport, il y a une relation intime qui se crée en cam. Et du coup, ça veut dire que il y a la volonté, tu préfères être ami avec une bimbo qui va représenter une réussite sociale, plutôt qu'avec une nana qui va peut-être être un peu plus normale, moins jolie, mais du coup qui va devenir moins excitante. Et du coup, t'as des nanas, mais ultra intelligentes, qui font le choix de devenir bimbo parce que du coup, alors on se dirait, ah, mais c'est odieux, elles se transforment en objets sexuels, elles sont soumises au machisme. Oui et non, puisque elles décident de faire de tous les préjugés sur l'idéal féminin leur arme et elles se transforment totalement pour ça. Merci Cyril Lol. Alors je vous invite à voir aussi un autre un film qui date de 1998 qui s'appelle Bimboland. C'est une comédie, c'est assez sympa. C'est avec Horatica, Judith Godrech, et dedans il y a une nana qui est ethnologue, un télo, alors la caricature, elle est pas super jolie, enfin elle est jolie mais genre elle est comme si elle était pas très jolie, elle a les cheveux pas spécialement coiffés, des lunettes, habillée pas sexy pour un sou, et comme elle est ethnologue pour sa thèse, elle se dit ah bah tiens je vais faire une thèse sur la tribu des bimbos. Donc du coup, elle s'intègre dans une bande de bimbos pour découvrir, à la manière d'une ethnologue ou d'une anthropologue, leur manière de vivre. Et en fait, elle s'aperçoit que... Mais c'est du taf, quoi. C'est-à-dire que les bimbos qu'elle rencontre, déjà, il y a une manière de parler, il faut pas avoir l'air trop intelligente, il faut avoir l'air un peu con, mais pas trop non plus, avoir dans la conversation, mais pas être chiante. Il y a aussi, elle passe 4 heures par jour entre 4 heures à la salle de sport, la manicure, le coiffeur, le machin, le truc, en fait, ça te bouffe tout ton temps. Parce que pour être super soigné, machin de Dieu, les ongles faits, la coiffure toujours nickel, le maquillage de folie, épilé, etc., ça prend du temps, quoi. Je peux vous le dire, moi, ça fait... c'est con, hein. Moi, ça fait 2 semaines que je veux me faire un aîné, quoi. Sauf qu'il faut que j'ai 3 heures devant moi, quoi. Voilà. C'est comme quand t'as les ongles hyper longs, les ongles longs, rouges et tout, ben en fait, il y a des trucs que tu fais pas, hein. Tu vas pas fixer les étagères, parce que sinon c'est pas terrible. Si tu fais la vaisselle, il faut que tu fasses pas trop la vaisselle, c'est mieux d'avoir un lave-vaisselle, faut mettre des gants, pour le ménage c'est pareil, et en fait, faut éviter de faire trop de choses. Parce que du coup, il faut choisir, soit t'es belle, soit tu fais plein de choses. Alors, il faut pas tout cracher, hein. Des fois, ce qui est intéressant dans le boulot, c'est que la nana, d'un coup, elle était tellement à l'ouvre. Ah! C'est dur de continuer à parler! Oh putain, elle était tellement à l'opposé que du coup, elle s'autorise. Il y a peut-être un juste milieu à trouver entre je suis un sac à patates et je suis une pure bimbo. Après, on pourrait dire mais c'est horrible, elles font ça que pour la thune. Et ouais, mais le mec en fait qui épouse une bimbo et qui l'entretient parce qu'elle a pas le temps de bosser, hein. Son taf, c'est de s'entretenir en tant que bimbo. C'est vraiment un taf. Mais elle, c'est pas forcément de l'amour, puisqu'elle le fait en échange d'une vie confortable et faste. Mais le mec, je suis pas sûre non plus que ce soit de l'amour, parce que ce qu'il aime, c'est pas la nana, ce qu'elle est. Ce qu'il aime, c'est l'image qu'elle dégage, et c'est le symbole de réussite sociale qu'elle représente, et le fait qu'il se sent... Elle lui sert de faire valoir en se disant « Waouh, si j'ai une meuf comme ça, ça veut dire que moi, je vaux beaucoup. » Vous voyez ? Et en fait, c'est du troc, c'est du deal, quoi. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, et à l'occasion, si vous pouvez voir Bimboland, je vous le conseille, quoi. Alors, Jean Machin, qu'est-ce que tu dis ? Au bout de 100 km d'autoroute, je la laisse sur une aire, je lui dis « Attends-moi, je reviens. » Et ouais, mais alors c'est là où tu te plantes, tu vois ? Et c'est pour ça que je te conseille Bimboland, c'est que tu te fais avoir par l'image. Tu crois qu'une bimbo, elle est juste conne, mais en fait, ça demande de la stratégie, et du temps et du sacrifice. Faut se la farcir l'opération pour aller se refaire le nez, se mettre du botox dans les lèvres, se faire opérer pour avoir une plus grosse poitrine. Mine de rien, tu te frappes une anesthésie générale, tu peux rester sur le billard, etc., etc. Et en fait, derrière, c'est l'image, tu te fais piéger par l'image, en fait. Mais c'est un être humain aussi, en fait. C'est juste que elle s'est dit, moi, je vais choisir comme technique de survie, quelque part, la voie de la bimbo. C'est, en fait, on se fait aussi, tu peux avoir une nana qui est peut-être très, très, très intelligente, bien plus que toi, mais qui a fait le choix de devenir bimbo parce que ça l'arrangeait, parce qu'elle trouvait un deal entre être rassurée au niveau matériel et ce qu'elle avait à donner, et ça lui allait comme deal, en fait. Mais voilà, c'est... Et après, on peut dire ce qu'on veut, mine de rien, belles et bimbo ont bien plus de succès auprès des hommes que les non-bimbo. Je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai. Alors et vous, les bimbo messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Salut à tous ceux qui viennent d'arriver! Hello! Welcome to the B42! La balle dans la tête, ah non, là, ça devient l'euthanasie. Mais en fait, c'est pas un objet, c'est un être humain qui décide de prendre des attributs d'un objet sexuel. Donc, c'est très vaniteux de ta part, Jean Machin, de dire ça. C'est, tu te crois supérieur à une nana qui fait ce choix. Tu l'es pas, en fait. T'as juste pas fait le même choix. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur les bimbos? Merci, homme! Bon, et bien écoutez, le sujet des bimbos, c'est fait, hein, voilà. Donc cet article, il y a les liens à chaque fois sur Twitter, voilà, je ça ne se voit pas, mais je tweet automatiquement, je suis tellement hyper douée, hyper forte. Donc cet article, il est à retrouver sur le blog Les 400 Q. Sauvons les bimbos. Après, il faut savoir que c'est comme toujours, hein. C'est l'offre et la demande, en fait. S'il n'y avait pas de demande de bimbo, il n'y aurait pas autant de volonté de bimbofication. Vous voyez ce que je veux dire? Si les mecs étaient pas attrapés dès qu'ils voient une paire de seins géants, il n'y aurait pas autant de nanas qui se font refaire les seins, en fait. C'est toujours la même blague, en fait. Il y a une SPB, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, comme la SPA. N'importe quoi. Non, mais c'est l'un et l'autre. C'est les dictates de réussite, de mode, de succès se mettent en place. On te dit oui, mais tu comprends, c'est les magazines qui nous l'imposent, etc. Bon, ça, c'est tous ceux qui les lisent qui sont d'accord pour se dire oui, ça c'est beau et ça c'est pas beau, en fait. Toujours pareil. À un moment donné, c'est à nous aussi de voir qu'est-ce qu'on a envie de valider comme monde, en fait. C'est toujours la même chose. Allez, on se fait un petit morceau de musique, les chouchous, et on passe au dernier sujet avant le test sextoy. Et on va parler, si tu es une bimbo à petit sein, ça m'intéresse. C'est ça. On est victime de la chimie du cerveau. Alors, mais du coup, ça veut dire que tu es resté au stade où tu te dis « grosse mamelle égale je vais manger », donc ça veut dire que tu as l'évolution d'un nourrisson quand même. Ça craint. Je sais pas. Moi, par exemple, je connaissais une nana. Alors, c'était pas une bimbo, c'était une cagole. C'est un autre genre. Mais bon, on pourrait... C'est une bimbo, hein. Qui ? Oui, bref. Voilà. Mais moi, je connais une nana, c'est le cagole bimbo, on va dire. Alors, est-ce que c'est la victime de la chimie du cerveau ? C'est toi. En fait, il faut savoir... Alors là, ça, là-dessus, ça, je trouve ça... Il faut savoir que... notre chimie du cerveau, on a un petit contrôle dessus, en fait. Et là, je vous enjoins, comme quand tu vois un bon gâteau. Et ouais, mais il y a des gens, par exemple, ils vont pas succomber au sucre et d'autres, oui. Je vous enjoins... Le désir, ça se comprend, là. C'est pas parce que t'as un physique que tu t'en sens un petit bonjour. Voilà, ils entendent pas ce que la voix me parle, mais qui dit le désir, ça se contrôle, c'est pas parce que t'as un physique que tu tires sur tout ce qui bouge. Mais surtout, je vous enjoins aussi à vous renseigner un petit peu sur... Moi, j'avais vu un documentaire sur la vulgarisation de la physique quantique. Mais dedans, ils expliquent qu'effectivement, tu peux être addict à certaines hormones produites par ton cerveau, certaines protéines, certaines émotions, en fait. Parce que les émotions, c'est ni plus ni moins qu'une sécrétion chimique, en fait. Mais si tu peux volontairement avoir une action dessus, et volontairement vivre d'autres expériences et créer de nouveaux schémas neuronaux et transformer en fait, transformer tes désirs premiers. Et après, de pas supporter la frustration et d'être obligé de céder à son désir et de pas supporter la frustration, tous ceux qui sont là ont du coup plus de 18 ans normalement, ça veut dire que vous êtes restés au stade « j'ai 7 ans en fait ». Et c'est à nous de décider, je suis grand et je peux décider de ce que j'ai envie. Est-ce que je vais, est-ce que je suis prêt à tout balancer pour un coup de quéquette, un gâteau, une bagnole ou une paire de chaussures en fait? C'est, voilà. Est-ce qu'on est des si petites choses que ça ou est-ce qu'on s'offre et qu'on se considère avec un tout petit peu plus de grandeur? C'est la question. Allez, un petit morceau de musique et on va passer à une question essentielle. Les tendances Google par rapport au pénis. Ouais, il y a des choses comme ça, il faut savoir remettre les priorités à leur place. Du coup, on va s'écouter quoi? On va s'écouter, je suis en train de chercher en même temps sur la liste, j'avais pas prévu de morceau de musique. La SketchUp, parce que c'est fun! Oh yeah! Le mercredi, à 20h, rejoins Charlie pour le Before Two. L'émission sur la culture érotique, en direct live sur Camfort, Insta Live et tous les liens sur son site charlie-liveshow.com. En fait, vouloir combler, pendant qu'il y a de la musique, je parle quand même, vouloir combler à tout prix ses désirs et ne pas gérer la frustration, ça veut juste dire vouloir contrôler en permanence tout ce qui nous arrive. C'est avoir des certitudes. Tu te dis, une nana, si elle fait des gorges profondes et qu'elle adore la sodomie autant que la pénétration vaginale, c'est que c'est un bon coup et que moi je suis un bon coup. Il y a une manière aussi de faire « Oh, je jouis », etc. C'est un petit hommage à Rachita, mais oui, tout à l'heure. Mais bien sûr, j'ai appris qu'il était mort, effectivement. Salut, Spokézer. Quoi? Oui! On va laisser un petit peu la SketchUp avant de parler pénis. On mettra 12 francs avant la chaîne anale, c'est pas mal. Et tout contrôler tout le temps au secours. Et ouais, mais c'est ce que la plupart d'entre nous font en fait. C'est ce qui est la source de pas mal de nos comportements les plus débiles. Hein. Je trouve. Après. Marine Adèle Swimming Pool, cela va bien déterminer cette conversation. Je ne comprends pas ton intervention, Jean Machin. Sur Instagram, si vous voulez participer, rejoignez-moi sur Camfort, vous avez le lien en commentaire épinglé. bit.ly/charliecamfort. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Et du coup, vous pouvez participer sur le chat. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Je vous attends sur Camfort. Voilà, parce que je peux pas lire les commentaires de partout. Donc du coup, si vous voulez participer, intervenir, etc., welcome to Camfort. Écoute, je n'ai pas vu Pali traîner ses guêtres dans le coin. Elle se cache, la fourbe. Peut-être qu'elle fait autre chose. Écoute, je ne sais pas. Et je ne l'ai pas vu arriver. De quoi? Elle n'est pas sur Twitter, apparemment. Je connais pas cette chanson. Alors en fait, je parle pas un mot d'espagnol, donc je sais juste que ça fait la la la la la la la la la la la la. Elle pourrait dire ma mère suce des bites en enfer que j'en saurais rien en fait. J'ai un niveau d'espagnol assez, en fait, à peu près au niveau du zéro en fait. C'est-à-dire que j'ai été en Espagne une fois et je dormais dans une chambre d'hôte. Et la nuit, je me lève, j'ai hyper soif et tout. Puis je vois des trucs marqués. Et en fait, le lendemain, on m'a traduit, ça voulait juste dire « Attention, l'eau n'est pas potable ». Bon, je suis pas morte ni rien, mais c'est pour te dire à quel point si je sais dire « Ramon » ou « Vamos a la playa », et j'ai mis très longtemps à comprendre que « Vamos », ça s'écrivait avec un « V », en fait. Donc j'ai vraiment un niveau d'espagnol totalement lamentable. Donc ce que chantent ces charmantes jeunes femmes, je n'en ai pas la moindre foutue idée. Par contre, j'ai quelques idées sur les tendances Google de nos recherches sur le pénis. Oui, oui, oui, j'ai appris ça hein, grâce à GQ Magazine, hein, Sex Actu. C'est assez intéressant. Donc, il y a un mec qui s'appelle Seth Stephens Davidovitz. C'est un expert en données de chez Google qui avait révélé les vraies obsessions sexuelles des internautes en analysant les recherches sur navigateur. Et il se révélait au moment où il a fait ça la première fois que, attention messieurs, ça va être dur. Hein. Vous qui êtes persuadés que les nanas s'intéressent à la taille de votre bite, eh bien non. 9 fois sur 10, les interrogations portant sur le pénis portent sur sa taille, mais il se trouve que c'est énormément des hommes qui se posent des questions sur la taille de leur bite, quoi. Donc, interrogation autour du pénis, 9 fois sur 10, c'est la taille. En deuxième position, l'éjaculation rapide ou trop rapide et comment, du coup, faire pour remédier à ça. Donc, c'est assez logique. Il faut savoir que les requêtes autour de la taille de la bite, c'était 170 fois plus fréquent de la part des hommes que des femmes. 170 fois plus de demandes de la part des hommes que de la part des femmes sur des questions autour de la taille de la bite. Messieurs, comprenez qu'il y a même des... C'est vrai, il y a d'autres études scientifiques qui ont montré que les femmes se soucient de la taille du pénis des mecs comme de leur première sauce tomate en conserve, en fait. On ne choisit pas un mec en fonction de la taille de sa bite. Non mais je le dis avec un petit peu d'insistance, parce que très régulièrement, alors le fait que je fasse de la cam, etc., je m'expose volontairement en tant qu'objet sexuel, je suis un petit peu bimbo sur les bords du coup, quelque part. Mais du coup, je reçois quand même très régulièrement des « Salut, elle fait 22 par 4, ça t'intéresse ?» Et là, tu te dis « Mais de quoi ? Tu crois que je vais coucher avec toi juste en fonction de la taille de ta bite ? Tu crois vraiment qu'une relation sexuelle se résume à la taille de ta bite ? Mec, j'ai plein de sextoy. Donc, en fait, si c'est juste pour avoir une taille de bite, autant prendre un sextoy. » Donc, quand on continue, donc 170 fois plus de demandes autour de la taille de la bite de la part des hommes, voilà. Ensuite, les femmes, elles, quand elles s'occupent de la taille du pénis, il y a des requêtes de femmes, 40% du temps, quand les femmes cherchent un truc sur la taille du pénis, c'est pour se plaindre que le pénis de leur mec est trop gros et que du coup, il leur fait mal. Donc, j'y repense parce que hier... Encore hier, en cam, un crétin absolu qui me dit « Hey, la mienne, elle fait 25 par 6,5, tu vas kiffer !» Mais non, 25 par 6,5, c'est un petit tabouret, c'est tout. Moi, je m'en vais, en fait. Je ne suis pas une éléphante. Je rappelle donc aux mecs obsédés par la taille de leur bite qu'il faut penser qu'il y a aussi les tailles de vagin. Est-ce que les nanas se posent des questions sur la taille de leur vagin ? Est-ce qu'une nana se présente en te disant « Salut, moi, en état d'excitation, je suis à 15 ans. Hein. » Non. Et il faut savoir qu'un vagin, ça fait entre 12 et 15 cm. Donc, une bite de 30 cm ne rentrera pas jusqu'au fond du vagin parce que c'est bouché après. Il y a le col de l'utérus, tu peux pas aller au bout. D'ailleurs, vous verrez, si vous regardez un petit peu des films de cul avec des mecs qui ont des bites éléphantesques, ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils ne peuvent pas tout rentrer. Parce que ça bloque, mais parce qu'il y a une taille, hein, et qu'on peut pas la dépasser, en fait. Par contre, les requêtes des femmes autour de la sexualité, il y en a. Alors, ce qui les obsessionne, les femmes, c'est beaucoup l'odeur de leur vagin. Voilà, les mecs, c'est la taille de leur bite, les nanas, c'est l'odeur de leur vagin. Alors, il y a des demandes en se demandant, est-ce que c'est normal s'ils sentent dans leur nom le poisson, le vinaigre, les oignons, l'ammoniaque, l'ail, le fromage, le corps humain. Alors, le corps humain, c'est une bonne chose. Hein, si ton vagin sent le corps humain. S'il ne sent pas le corps humain, c'est flippant. L'urine, le pain, l'eau de Javel, les excréments, la transpiration, le métal, les pieds sales, les déchets ou la viande pourrie. Alors, il y a des nanas. Déjà, il faut soit qu'elles revoient leur odorat. faut arrêter de flipper. Et sinon, si, ouais, il y a des trucs, putain, sentir l'eau de javel de la foufoune, ça craint, quoi. Voilà, voilà. Sinon, sur Google Trends, hein, c'est le truc des tendances Google, les pays les plus intéressés par le pénis, hein, par les questions autour du pénis, on y va dans l'ordre. Mexique, c'est le numéro 1 de la demande sur le pénis. Ensuite, on a le Japon, l'Espagne, le Vietnam et l'Italie. Pour la France, on sait pas, c'est pas marqué. Aux États-Unis, les recherches associées à pénis dans l'ordre, c'est pénis de Lenny Kravitz. Va savoir pourquoi. Le pénis de Lenny Kravitz, c'est une petite obsession, je ne sais pas. Ah, ma vidéo en direct sur Insta est suspendue. Elle est revenue. Donc ensuite, il y a l'emoji pénis. Voilà, il y a plein de gens qui doivent se dire « Comment je fais l'aubergine ?» Je sais pas. La greffe de pénis, le micro-pénis, le pénis en espagnol. Parce que des gens qui se disent aux États-Unis « Putain, j'aimerais trop partir en Amérique du Sud. Comment je dis « Hey, want to see my dick ?» Tu peux faire mon pénis, mais en espagnol, comment je dis ?» Donc, il y a pas mal de gens qui cherchent à savoir comment on dit « pénis » en espagnol. Pénis de Justin Bieber. Alors, Lenny Kravitz est au-dessus de Justin Bieber en termes d'intérêt pour le pénis. Pénis de canard, pénis de tortue, pénis de serpent. Pourquoi, je ne sais pas. En France, les principales recherches autour du pénis, attention, dans l'ordre, c'est parti. Pénis de titan, pénis de serpent, ça revient, il y a un truc. Je sais pas, il se passe un truc sur le pénis de serpent. Cancer du pénis et greffe de pénis. Et par contre, si tu changes l'intitulé de pénis en bite, il y a la bite adudule, le fromage de bite et coucou, tu veux voir ma bite? Voilà, ce sont les Google Trends associés aux mots pénis et bite. Voilà, voilà. Et puis bah bien sûr, il y a d'autres formes d'intérêt, hein. On peut passer par Wikipédia. Wikipédia, parmi les recherches associées au pénis, évidemment, il y a micro-pénis, poil, envie du pénis, circoncision. Mais il y a autre chose un peu étrange, la diphalie, qui est une multiplication du pénis. Alors, l'autrice Mania Mazurette conseille de ne pas aller voir, de ne pas taper ce mot sur Google. Je ne l'ai pas fait, je l'ai écouté. Sinon, on apprend aussi, il y a des questions sur Wikipédia. Le pénis peut également être enterré ou piégé dans le scrotum. Voilà, c'est un peu flippant. Sinon, le coteca, c'est un étui pénien. Et il y a aussi, évidemment, l'architecture phallique, hein, qui consiste à reproduire consciemment ou inconsciemment des pénis dans la structure des bâtiments, les tours, les obélisques, etc. Et je sais pas si vous connaissez une standcock, c'est un pénis cascadeur, c'est une doublure pénis, et c'est utilisé au cinéma en lieu et place du vrai pénis de l'acteur. Mais bon, tout comme il y a des stunt booty, etc., etc. Donc voilà un petit peu les obsessions autour du pénis sur Google. Ça s'appelle une mamelle de vache, le multipénis. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Ah. Donc voilà un petit peu, ça m'a fait rire. Mais surtout, de voir que, ouais, il y a 170 fois plus de demandes sur la taille du pénis de la part des hommes que de la part des femmes. Vraiment les gars, c'est pas ce qui compte le plus. En plus, avis perso, quand t'as un pénis un peu trop petit pour les désirs de ta partenaire, tu peux toujours compenser, rajouter un god par exemple. Alors les étuis péniens, je suis pas convaincue. Ça, les gaines là, je suis vraiment pas convaincue. Mais tu rajoutes un god ou même si ta nana, quand tu la pénètres, elle aimerait bien être un peu plus remplie. Mais tu peux la pénétrer pour toi prendre ton pied, mais aussi la pénétrer avec un god qui a une taille, quoi. T'as ta langue, t'as tes doigts, il y a plein de moyens de faire jouer une nana, même si t'as une petite bite, quoi. C'est voilà. Par contre, si t'as une trop grosse bite, eh ben t'es dans la merde. Parce que quand t'as pas beaucoup, tu peux rajouter, mais quand t'as trop gros, bah t'as trop gros et tu vas pas te couper un petit bout de la table pour permettre que tu puisses la rentrer. D'ailleurs, voilà, témoignage d'un copain qui avait, c'est un copain d'un copain en fait, qui avait une énorme bite, mais vraiment une énorme bite. Et en fait, le mec, mais il était juste hyper triste. Parce que dès qu'il sortait avec une fille, il se plaisait, machin et tout. Et quand arrivait le moment où il se mettait à poil, eh ben du coup, les nanas, elles disaient, mais je peux pas. Et elles se cassaient, en fait. Et ce mec, il a même été voir des prostituées et il était refusé par les prostituées. Parce qu'il avait une bite monstrueuse, quoi. C'est... Voilà, donc, la volonté d'avoir absolument une grosse bite. Alors, oui, ça rassure pour les gars. Les mecs se disent, si j'ai une grosse bite, ça veut dire que je suis hyper viril et hyper puissant. Petite info, c'est très culturel, en fait. Il faut savoir qu'à une époque, par exemple, au temps des... Je crois que c'était chez les Grecs ou les Romains. Les Grecs, avoir une grosse bite, c'était d'une vulgarité. C'était hyper mal vu, en fait. Et du coup, les postes haut placés dans la société, c'était plutôt des gens avec des petits pénis et c'était hyper peuple d'avoir une grosse bite, c'était très très mal vu. Il y a aussi, je ne sais plus quelle tribu en Amérique du Sud, où là, pareil, avoir une grosse bite, c'était très mal vu. Et plus t'avais un poste de pouvoir dans la tribu, plus t'avais une petite bite. T'aurais jamais pu être chef de la tribu en ayant une grosse bite, en fait. Donc, ce truc-là de se rassurer en disant « si j'ai un gros kiki, ça veut dire que je suis un vrai bonhomme », ben en fait, c'est très culturel et en fait, si on change les paramètres, ça a pas toujours été le cas. Et à une époque, les mecs, ils se disaient « comment je fais pour avoir une petite bite, quoi ?» Donc, peut-être juste faire avec ce qu'on a, c'est pas mal. Après, si on a vraiment, parce que là, ça devient, c'est presque une maladie, une malformation, d'avoir un, mes micro-pénis, quand je parle de micro-pénis, micro-pénis, c'est, j'allais dire, t'es entre 1,5 et 2 cm, voire 3 quand tu bandes pas, et quand tu bandes, t'es entre 3 et 6 cm. C'est vraiment du micro-pénis. En dessous de 10 cm, t'es voilà, mais ouais, imagine, tu bandes, t'es au taquet, ta bite elle fait 5 cm quoi. T'as des mecs, ils ont un pénis tellement petit qu'ils peuvent pas se branler en fait. Là, ça devient compliqué en fait. Là, ça devient après, c'est vrai que moi j'avais lu tout un article avec des témoignages d'hommes qui avaient des micro-pénis, c'était notamment des Américains. Et en fait, ben il y en a pas mal qui du coup avaient trouvé des compagnes qui étaient libertins. Parce que du coup, ça n'empêche pas d'être amoureux, en fait. C'est cool dans un couple d'avoir une sexualité épanouie, mais ta sexualité épanouie, elle n'est pas forcément avec la personne dont tu es amoureux. Et là, ben, y en a pas mal qui avaient trouvé un équilibre où la nana, elle aimait énormément son mari. Il faisait l'amour, mais c'était pas hyper satisfaisant pour elle. À 3 cm ou 5 cm, c'est petit toune, quoi. C'est plus petit qu'un doigt, quoi. Mais du coup... Comme elle avait quand même envie d'être satisfaite sexuellement, et ben elle allait coucher avec d'autres mecs et son mari était ok en fait. C'est voilà. Est-ce que l'amour et est-ce que le cul c'est la même chose? Pas forcément. Voilà, c'était l'article, c'était le petit sujet Penny dreadful, Penny de l'horreur, c'est horrible. Non, c'est parce que en ce moment je suis en train de regarder Penny dreadful, très bonne série. Et du coup voilà. Alors qu'est-ce que vous voulez? La moyenne pour la taille du pénis, je crois qu'on est à 12,5 ou 13 cm. C'est la moyenne, ça, mondiale. Et en Europe, on doit être à 13 cm de moyenne. En France, on est à 13. Ah bah voilà, merci. J'ai mon oreillette. En France, la moyenne nationale de la taille d'un pénis moyen, c'est 13,2 cm. En Grèce antique, une grosse bite quand t'étais sportif, bonjour les bleus. Et ouais, avec le marathon, c'est chaud. Hein. T'es con. Non, 13,2 cm en érection, la taille moyenne. Quoi? Oui, bah, oui, non, mais oui, c'est, je réponds. Non, c'est en érection, 13,2 cm, c'est la taille moyenne en France d'un pénis en érection. Quelle série je regarde en ce moment? Penny Dreadful. Ça parle pas du tout de pénis, en fait. Pourquoi c'est différent selon les continents? Parce qu'en fait, en fonction... de là où tu vis, j'ai peut-être à dire une connerie, j'ai la voix dans l'oreillette qui me dira si j'ai une connerie, mais en fonction de là où tu vis, de là où les peuples vivent depuis longtemps, le corps s'adapte en fait. Et du coup, dans certaines parties du monde, les gens vont avoir tendance à être plus petits, dans d'autres ils sont plus grands, dans d'autres ils sont en général plus minces, plus bâtis, et ça change en fonction de ça. Et par exemple, il y a cette fameuse réputation que les Blacks ont tous des grosses queues. Les Blacks n'ont pas tous des grosses queues, mais par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de Blacks qui ont des grosses queues, mais parce que il faut savoir aussi que les nanas Blacks ont des vagins plus longs et plus larges. Parce que, je répète, il y a des tailles de vagins, en fait. C'est dans le Kama Sutra, c'est très bien expliqué, c'est vieux, hein, ça a, je sais plus, au moins des milliers d'années. Ils ont donné des noms, d'ailleurs, d'animaux, en fonction de la taille des bites et de la taille des vagins. Et en fait, le but, c'était pas d'avoir une grosse bite, c'est d'avoir la bite qui correspond au vagin en face, en fait. Donc, si t'as une petite bite et t'as un petit vagin, c'est cool. Si t'as une bite moyenne avec un vagin moyen, c'est cool. Et en fait, une petite bite peut s'adapter à un petit vagin et un vagin moyen. Une grosse bite peut s'adapter à un gros vagin et peut-être à un vagin moyen, alors qu'une bite moyenne va s'adapter à un petit vagin, à un vagin moyen et à un gros vagin. Donc au final, mieux vaut l'avoir moyenne, du coup. Et mais c'est surtout que la nature est bien faite, en fait, et que en général, là où dans une population il y a une taille de bite plus grosse, il y a aussi des tailles de vagin plus longues et plus larges, en fait. Le but étant au départ la reproduction de l'espèce. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être la manière, au fur et à mesure, dont on vit, dont on se nourrit, etc., etc. Ça, je sais pas. Voilà, c'est ça, c'est des Legos. Exactement, c'est des Legos. Donc, en fait, au lieu de dire à une nana, « Hey, tu sais quoi, j'ai une grosse bite », peut-être demandez-vous quel vagin elle a, quoi. Mais oui, c'est un cours de SVT, tout à fait. Allez, on va s'écouter un petit morceau de Rachita, en hommage, parce qu'il est mort. Et que c'était un mec qui a œuvré toute sa vie pour un peu plus de tolérance, pour un peu moins de racisme. Et qu'est-ce qu'on va se mettre comme morceau? Peut-être 12 France, ça peut être pas mal. Hein, moi j'aime bien ça, reprise de 12 France. Voilà, Rachita, 12 France. C'est parti. Et reviennent à ma mémoire des souvenirs familiers. Et reviennent à ma mémoire. Et moi, le mercredi à 20h, rejoins Charlie pour le Before Two, l'émission sur la culture érotique, en direct live sur Camfor, Insta Live et tous les liens sur son site charlie-liveshow.com. Me revoilou. Donc, me revoilou. Donc, on va passer à la suite, ça va être le test de la chaîne anale vibrante de Dorcel, qui s'appelle la Deep Secret. Alors, ce que je vais faire, je vais lancer je vais commencer à vous montrer, et après ça va basculer en show de groupe dans un quart d'heure, pour en profiter un peu plus profondément, si je puis dire. Ça marche ? Eh bien voilà, le test sextoy s'est très bien passé, je ne suis pas morte, bien au contraire. Alors si vous voulez découvrir le test sextoy, rendez-vous sur mon site, hein, charlie-liveshow.com. Et puis, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Before Two, une émission 100% culturelle. Bonne soirée, ciao ciao.